بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم لفتاوى لصفحة فتاوى الشيخ محمد بن حزام حفظه الله تعالى. كيف فتاوى كلايمي كتوفيت يعني كتورجل للأضاحي. فأبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Contrairement à ce que je pensais, ce sera en plus que deux audios, car il y a encore des questions. En fait, c'était en deux ders, et chaque ders a été coupé en deux parties. Donc en fait, là, ce qu'on a lu la dernière fois, ce qu'on a lu aujourd'hui, c'est un ders. Après, il reste encore un ders. En fait. Non. Donc on pense toujours dans nos séries de fatwa de Cheikh Mohamed Ibn Huzam. التي تتعلق بأحكام الأضاحي أو رجل بسكريفيس فلعيد. Dans le dernier, dans la dernière question qu'on avait pris, on avait cité un dua lors de l'égorgement apporté par Aïcha un des musulmans. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من محمد ومن أهل محمد ومن أمة محمد. Ô Allah, de la part de Mohammed et de la famille de Mohammed et de la communauté de Mohammed. Là, il poursuit par rapport à ce hadith en disant qu'en fait, ce dua démontre la permission de faire participer dans la récompense d'autres personnes dans ton égorgement. Salen, toi, tu as ta bête à sacrifier. Et tu veux que d'autres personnes profitent de la récompense de cette bête. Donc toi, tu peux ramener qui tu veux dedans. Tu dis, par exemple, cette bête-là, elle est de ma part, de la part de un tel, et de un tel, et de un tel, et de un tel, et de un tel, et de un tel. Il n'y a pas de limite. Et tous ces gens-là prendront la récompense avec toi de cette adhiya. Là, Akin, il précise que bien que même tu réunisses un grand nombre de personnes sur ton adhiya, cette adhiya ne sera valable que pour une maison, pour une famille. C'est-à-dire les gens qui sont avec toi, ils partagent la récompense. Mais cette bête-là, la tujzi ila an al-bayt wahid. Fahimt ? Ma fahimt. Toi, demain, par exemple, t'achètes un mouton pour l'égorger. Toi, tu as ta famille et tes enfants. Mais toi, quand tu l'égorges, tu mets niya que la récompense de ce mouton soit partagée avec d'autres personnes. Tu mets par exemple que ce soit mon père qui est là-bas, mon cousin qui est là-bas, ma tante qui est là-bas, et kaza et kaza et kaza. Nous tous, ce mouton, nous nous sommes alliés, nous nous sommes rassemblés pour l'égorger. Mais du moment où c'est toi qui as fait les causes et c'est toi qui l'égorge, ne sera valable que pour ta famille à toi. C'est-à-dire, eux, ton père, il aura la récompense comme s'il avait acheté avec toi le mouton, mais il devrait égorger un mouton pour lui aussi, ou pour les gens qui sont à sa charge. Ta tante, pareil. Ton cousin, pareil. Ils ont la récompense de ton mouton, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont rentrés dans la famille que tu es nourri avec le mouton. T'as même tani ? Non. Ils ont le ajr. Mais eux-mêmes, ils restent sur eux que s'ils veulent égorger, ils égorgeront pour les gens qui sont en leur charge. Mais ils auront la récompense de ton mouton à toi par rapport à ton intention à toi. Et la preuve, c'est ce hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min Muhammad wa Ali Muhammad wa Ummati Muhammad. Est-ce qu'après sa communauté, n'ont pas eux-mêmes égorgé des moutons pour leur famille ? Si seulement il les a rentrés dans sa récompense. C'est-à-dire le fait de participer dans la récompense et la validité pour une maison. C'est pas pareil. Comme on l'avait expliqué pour le jument de couper les ongles des cheveux. C'est celui qui égorge seulement. Sa maison est comprise. sa famille est comprise par ce mouton, cet animal, mais eux ils n'ont pas à se couper les ongles, à se couper les cheveux, il n'y a que lui. Mais ce mouton-là les regroupe. C'est-à-dire il est pour eux. Tu peux pas arriver, tu t'égorges un mouton par exemple, et tu dis ce mouton-là, ben voilà, moi j'égorge, je veux que ce mouton-là soit valable pour ma maison à moi, celle de mon voisin, celle de mon cousin là-bas au Maroc, celle de mon père en Algérie et celle de mon grand-père là-bas. Non, tu peux pas. Chacun d'entre eux doit égorger pour sa maison à lui, les gens qui sont à sa charge. Mais dans la récompense de l'égorgement, ou moucheté les coups de marac. Vous voyez ? Donc tu peux rentrer dans la récompense d'autres personnes, qui tu veux, et il n'y a pas de limite. Nabi Salem, Atrala, Umma Tahakamila. Il a mis toute sa communauté. ثم سئل هل تذبح الأضحية مضطجعة أو قائمة؟ Est-ce que l'animal doit être égorgé debout ou allongé? D'accord? De quelle façon on égorge l'animal? Il a dit que la vache et les ovins, c'est tout ce qui est mouton, doivent être allongés. Quand même. Par contre, le chameau, lui, yunhar, qa'iman, ma'aloukaten, yaduha, ayusra, qui doit être égorgé, debout, avec la patte attachée. Et le nahar, c'est comme le zabh, seulement le nahar, c'est pour les animaux qui sont derniers imposants, comme le chameau. Tu ne pourras pas prendre un chameau, l'allonger et l'égorger, tu ne pourras pas. C'est lui qui va t'allonger. C'est lui qui va t'allonger. Donc de là, t'accroches ta patte droite. Et le nahr, j'ai jamais vu comment c'est, mais c'est un système. Il y a un nid comme si tu plantais dans sa gorge, dans sa veine jugulaire. Même de la vache, tu peux le faire, parce que c'est gros quand même. Mais la vache n'est pas aussi virulente que le chameau. Le chameau se débat. Le chameau se débat et il est très, très agile, plus que la vache, plus qu'une vache. Donc là, on a vu comment faire pour ces animaux-là. Le chameau, lui, yunhar qa'iman mu'allaqa yadwa al-yusra. À gauche, enfin, je dis droite, la patte gauche, yusra, c'est la patte gauche, enfin, c'est la patte gauche. Après, il raconta que yani, certaines personnes, malheureusement, qui ne connaissent pas les règles du sacrifice, ils égorgent la vache en la laissant debout, la tête attachée. Et ensuite, ils l'égorgent, ils la laissent en fait tomber avec la tête toujours attachée. D'accord ? Il a dit « Ada khilaf sunnah ». Ça, c'est en opposition à la sunnah. Et ça, c'est pas de l'irsan. C'est pas de la bienfaisance envers l'animal. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est « Inna Allah kataba l'irsan ala kulli shay. Fa idha qataltum » Que Allah a écrit la bienfaisance sur toute chose. Donc si jamais vous devez tuer, alors faites le bien. Donc égorger une vache de cette façon là n'est pas de l'irsan envers elle. On ne dit pas que l'égorgement n'est pas valide, il est valide, mais il n'aura pas été mursin, il n'aura pas été bienfaisant envers l'animal, il n'aura pas suivi la sunna. Et même il raconte que certains frères l'ont informé qu'ils ont vu certains bouchers dans le masjid al-haram ou dans le haram, qui égorgeait des animaux, c'est-à-dire il prenait les brebis ou les moutons, il l'égorgeait direct en série et les jetait comme ça. Il prenait les gorges, il le jette. Il prend et les gorges, il le jette. C'est-à-dire que l'animal, il se débat encore avec sa tête. Ils enchaînent, n'arme. Mais quoi qu'il en soit, s'ils enchaînent, t'as vu comment ils le font, c'est pas sunnah, malheureusement. Donc il dit, ils enchaînent, ils égorgent en série, ils se précipitent, ils prennent l'animal, ils le gorgent, et le jette qui s'est remis dans tous les sens avec la tête. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ne s'est pas pris de la sorte. Lui, il a longé l'animal en posant son pied sur son flanc et en l'égorgeant. Et il a laissé allonger et appuyer sur l'animal jusqu'à ce qu'il ait son dernier souffle. C'est ce que l'animal meurt. Ça, c'est la sunna. Akada. Summa su'ila. من ماذا تكون الأضاحي de quels animaux sont pris les adahi, les bêtes de sacrifice. Est-ce qu'on égorge n'importe quel animal? Là est la question. Donc il a dit que ces animaux, il est conditionné qu'ils soient que bahimatul an'am. Comme a dit Ta'ala, liyathkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Qu'ils citent le nom d'Allah sur ce qu'il leur a accordé comme bahimatil an'am. Bahimatil an'am, que sont-elles ces animaux ou cette sorte d'animal? Le chameau, les bovins, les ovins et les caprins. Hada. Donc là, l'ijma' ala hada, que ces quatre sortes d'animaux sont ceux qu'on égorge pour la dahi. Pour la dahi, ce sont ces quatre sortes d'animaux. Ibn Hazm, lui, apparemment, il a l'ijma', il ne s'y est pas fait. Il voit que tu peux égorger également un poulet. Yujda, indahu. En prenant pour preuve le hadith d'Abu Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tabkir, comme le Jumu'a, قال من جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. C'est le hadith. من جاء في الساعة الأولى فكأنه قرب إبلا. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بكرة. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنه قرب بيضة. Dans le hadith, celui qui vient à la première heure, c'est comme s'il avait sacrifié un chameau. Deuxième heure, comme s'il avait sacrifié une vache. Troisième heure, un mouton. Quatrième heure, un poulet. Cinquième heure, un œuf. Donc lui, il a pris ce hadith-là pour voir qu'il était permis d'égorger un poulet. Et la réponse, c'est que cette compréhension, elle est erronée, car ce hadith n'est pas venu pour citer les règles de la dahi. Il est juste venu pour montrer un exemple pour la récompense à tirer ceux qui viennent tôt au mois de Jumu'ah. Mais les règles de la dahi n'entrent pas dedans. Adahu. C'est juste une... Yani, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait une comparaison imagée pour la récompense, et non pas pour en tirer un jugement légiféré dans les règles du sacrifice. Plus la personne vient tôt au Jumu'ah, plus il en tire de récompense. Non. Donc il redit que Bahimatul An'am, c'est le chameau, ça comprend les moutons, ça comprend la vache, ça comprend les chèvres. Quand on dit chèvre, c'est tout ce qui est caprin. Quand on dit mouton, c'est tout ce qui est ovin. Et les vaches, tout ce qui est bovin. C'est-à-dire le mouton, le bœuf, le veau, le taureau, Aurel Zalika. Non. ثم سئل هل يجوز أن يضحي بالخير؟ Est-ce qu'il peut égorger un cheval? La réponse est non, car le cheval ne rentre pas dans Bahimat al-An'am. Il ne rentre pas dedans. Pour la dahi, si jamais tu égorges un cheval, ce n'est pas valable. En dehors de la dahi, tu peux égorger un cheval et le manger. Là, il parle des adahi. Attention, ne pas confondre. Même le dajaj, le poulet, tu l'égorges, bien entendu, et tu le manges. Il a dit pour que tu aies la récompense et que ton sacrifice soit accepté, yom el adha, ce soit seulement des bahimat al an'am. En dehors de cela, tu peux. Là, je vous laque. Il a été interrogé également el arnab, le lapin. Pareil, le lapin, ça ne rentre pas dedans. Il a dit l'âne sauvage, car à la base, l'âne domestique est interdit à la consommation. Ni tu l'égorges, ni tu le manges. Adam et Ajouz. Bikhilef, el himar, le wahshi. L'âne sauvage, lui, c'est autorisé d'en manger. Mais pour la dahi, ça ne rentre pas dans les catégories. Donc, tu n'égorges pas d'âne sauvage pour Eid al-Adha. Mais tu peux en manger en dehors de cela. Donc, la dernière fois, on avait pris deux conditions. Il y en a quatre. On avait pris la condition du temps, qu'il faut que ce soit après l'heure, après la salat. On avait pris la condition, on avait pris la tasmiya, le fait de nommer Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième condition qu'on prend aujourd'hui, les défauts, qu'elles soient exemples de défauts. Mais quels sont ces défauts? Ce n'est pas tout défaut qui rend l'animal, son égorgement qui le rend invalide. Il y a certains défauts qui sont pris en compte et d'autres non. فقال هناك عيوب أربعة مجمعون على عدم جواز التضحية بها. جاء في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود وغيرهما أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين، غورها، والعرجاء البين، عرجاء، والماردة البين مرضها، والكبيرة التي لا تنقي، أو العشفة يعني الحزيلة. Donc là, ce sont les quatre défauts sur lesquels il y a unanimité qui ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire, si jamais tu égorges un animal qui a ces défauts-là, ton sacrifice n'est pas valable. Que sont-ils ? Al-awra, al-bayn, awraha, c'est celle qui boite. Celle qui est, enfin, qui est borne. L'animal, la bête qui est borne. Tamam ? Et c'est une chose qui est apparente. Pas une chose subtile, il faut regarder. Tu vois direct, l'animal, il est borne. Donc ça, l'animal, son égorgement n'est pas valable. Après, celle qui est malade, d'une maladie apparente. Tu vois sur elle les traces de la maladie. Pas mal. Par contre, c'est une maladie qui est légère, qui ne se voit pas trop, là, baisse, il dit. Mais c'est une maladie qui est apparente. Par exemple, je sais pas, tu vois des animaux, des fois, il a un kyste, il a une grosse boule qui dépasse sur le côté, par exemple. Ça, c'est pas bon. L'animal, il est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou tu vois, je ne sais pas moi, son odeur. Il a une odeur fétide. Tu vois que l'animal, il est malade. Ou tu vois même sa peau, son poil, des endroits où il en a, des endroits où il n'en a pas. Sa peau, elle est apparente comme ça. Il a des, je sais pas, comme des croûtes. Comme s'il avait la lèpre, comme ça. Je ne sais pas si les animaux ont la lèpre. La gale ou un truc comme ça. C'est des choses apparentes, tu vois. Ça, c'est pas valable. La même chose qui ne se voit pas et qui est légère, elle a dit Mayadour, Inch'Allah. Après, il y a Al-Arja, c'est celle qui boite, qui a une patte cassée ou qui est blessée à la patte. Une chose qui est apparente. Donc quand elle marche, tu vois, elle boite. Tu vois, elle boite, ça, ce sacrifice n'est pas valable. Et la dernière, c'est celle qui est extrêmement maigre. Hazila, tu la vois, elle est vraiment, elle est frêle. Tu vois, peut-être même, tu vois, ses côtes, tu vois, ses ossements qui dépassent tout. Celle-là, elle est pareille, c'est pas valable. Celle qui est trop maigre, c'est pas valable. Donc les quatre, c'est quoi ? Borne, boiteuse, malade, trop maigre. Ces quatre-là, et ijma, c'est les choses qui doivent se voir en apparence, tout de suite. Thumma su'ila, إذا كان ذكر العورة البين عورها فما حكم التضحية بالعمية وهذه أربعة مجمعون على عدم جواز التضحية بها. Donc il dit si jamais c'est le jugement qu'on a pris pour celle qui est borne, alors qu'en est-il de celle qui est aveugle? Car le hadith ne cite pas celle qui est aveugle. Donc il dit qu'en est-il de l'aveugle? Il répondit حفظ الله تعالى, il dit que si jamais la borne, la bête borne, son sacrifice n'est pas valable, alors ce qui est aveugle a plus forte raison. Car c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Il dit que certains fuqaha, des gens du fiqh, eux ils voient que celle qui est aveugle, son sacrifice est valable. Ils disent pourquoi ? Car la bête valable, la bête aveugle, la fouette, la bête aveugle, son propriétaire en prend plus soin. Fait plus attention. Par exemple, quand elle mange, il met bien à côté d'elle. Même il la dirige pour qu'elle mange. Donc elle sera peut-être plus grosse que les autres. Alors que la borne, elle se débrouille d'elle-même. Elle ne voit pas tout. Elle mange que d'un côté, comme ça. Donc, il y en a, ils disent, celle qui est aveugle, la baisse, parce qu'elle est bien entretenue. Et le shir, il dit, ça coule les bords. Il est faux. Il est faux. Car sur ce base, la illa des uyub, c'est que l'animal, il a un défaut. Il a perdu un œil. Qu'on ait dit, ça a perdu les deux. C'est encore plus grave. Donc il dit, ça, c'est... Cet avis, il n'est pas correct. Il est faux. Il dit gay également, celle, par exemple, qui aurait deux pattes cassées. Il dit celle qui boite, c'est pas permis. Alors qu'en est-il de celle qui en aurait deux? C'est encore pire. Donc il dit pareil, celle qui vient, quelqu'un il dit moi, le hadith, il est venu celle qui boite. Moi, la mienne ne boite pas. juste la deux pattes cassées. Il dit, bah, c'est encore pire. C'est encore pire. D'ailleurs, c'est connu qu'il y a des animaux, si la patte se casse, c'est fini. Tu peux plus rien faire. Par exemple, un cheval, c'est casser la patte, c'est fini. C'est fini. Normalement, il finit l'abattoir. Celui qui ferait ça, quelque part, il y aurait une forme de... Comme s'il se débarrasse de l'occasion. J'ai un animal qui ne sert à rien, je m'en débarrasse. Non, c'est pour ça que les conditions sont venues. Car comme c'est une ibada maliya de dépense, tu dépenses du bien. Inna Allah tayyibun wa la yakbalu li tayyiban. Que Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Donc c'est pas tu te débarrasses. Tu prends un animal qui est de bonne catégorie, en bonne santé, et tu le sacrifies. Non. Par contre, celui qui est la patte cassée, tu le sacrifies pour autre chose, pour après pour toi, là-bas, t'as le droit. Tu l'égorges, après t'en donnes aux invités, aux pauvres, comme tu veux. Mais pour le tadhiya, ça non. Il y a des conditions. Tu ne prends pas n'importe quel animal. ثم سئل هل يجوز التضحية بمقطوعة الأذن ومكسورة القرن. Est-il permis de sacrifier un animal qui aurait les oreilles fendues ou coupées? Et pareil pour les cornes. Les cornes cassées ou quoi? Il a dit, il y a un hadith qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a interdit Yaninaha an yudakha bi ardhab al-qarn wal udhun. Hadith Ali radiyallahu anhu inda Ahmad. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de sacrifier l'animal qui aurait les oreilles fendues ou les cornes cassées. Mais le hadith, il est faible. Apporté par Ahmad, il est faible. Dans son sanad, il y a un homme qui est faible. Donc il dit le fait d'égorger cet animal-là, qui aurait les oreilles fendues ou les cornes cassées, certains ulama l'ont interdit. Certains ulama l'ont interdit. Et ils ont fait même un tafsil. Si jamais c'est la moitié de la corne qui est cassée, ou trois quarts, ils ont fait. Ça dépend de la quantité de la corne cassée. Quand même. Mais il n'y a pas de dalil là-dessus. Il dit que la plupart des savants voient que c'est permis. Un animal a une corne cassée ou une oreille fendue, il voit que c'est permis. Et c'est la vue qui est correcte. Car dans le hadith d'Al-Bara ibn Azib, dans les quatre défauts sur lesquels il y a unanimité, cela n'est pas cité. Et ça n'a même pas de lien avec les défauts cités dans le hadith. Il n'y a pas de lien entre la corne, les oreilles fendues et le boitement, et le fait d'être borgne, le fait d'être malade et le fait d'être maigre. Ça n'a rien à voir. Par contre, il fut rapporté. Il dit le meilleur, par contre, c'est de ne pas prendre ces animaux-là. C'est mieux. Abdul. Si tu peux prendre mieux, prends mieux. Et il fut rapporté de Ali, radiallahu anhu, dans un hadith, qui est venu mawqufan et marfu'an. C'est-à-dire, c'était un hadith qui est venu, qui s'arrête, la chaîne de transmission s'arrête à Ali, et l'autre qui s'arrête au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la vie le plus sûre, c'est que le hadith s'arrête à lui, à Ali, c'est la parole de Ali, radiallahu anhu. Qu'il ordonnait les gens de prendre soin des yeux et des oreilles de l'animal. C'est une chose qui était prise en considération. Un animal qui a les oreilles fendues ou quoi, c'est un défaut qui n'était pas trop apprécié. Quoi qu'il en soit, ça c'est dans les coutumes des gens. En ce qui concerne les conditions de sacrifice, mayadour, ça ne nuit en rien. Biznillah ta'ala. Thumma souila, hal yajuzu at-tadhiyatu billati la korna laha. Maintenant, celle qui est qui n'a pas de corne. Une bête qui n'a pas de corne. Est-ce que ça l'est permis? Il dit, si le fait que sa corne soit cassée, c'est permis. Alors qu'en est-il de celle qui n'a pas de corne du tout? Et à la base, le mouton, il n'a pas de corne. Le bélier a des cornes. Le mouton n'en a pas. Tu trouves des animaux, ils n'ont pas de corne. Et pourtant, ils rentrent dedans. Non, la brebis, pareil. Après, il fut interrogé, si jamais l'animal, il est né comme ça. Et Annie, il est né avec l'oreille coupé. Il dit ça ne nuit en rien. S'il est né borgne, c'est-à-dire c'est pas une chose qui lui arrivait après. Il est né comme ça l'animal, c'est naturel chez lui. Il dit mais il y a juste, c'est pas permis. Ça rentre dans le hadith de Al-Bara. S'il est né aveugle, il dit pareil, pas permis. Et s'il est né avec la queue coupée, sans queue, c'est la queue qui est bien grasse là, ou une partie de la queue qui est coupée. Il dit, ce qui est plus authentique, Inch'Allah, c'est que cela est valide. Celui qui égorge cet animal-là, c'est valide. Mais il est meilleur de prendre un animal qui aura la queue entière. Car c'est une chose que beaucoup de gens aiment. Ça dépend des pays. T'as des pays, ils n'aiment pas trop. Quand par exemple la queue a trop de gras, par exemple ici, à Hadramout, ils n'aiment pas ça. Mais des endroits, ils aiment ça, ils en sont friands les gens. Cette queue-là, ils la recherchent. Le gras de l'animal, ils aiment ça. Donc ça dépend des lieux. Mais la base, c'est que si jamais l'animal est né avec ça, il est créé avec ça, c'est parti de son naturel, c'est qu'il y a une faïda dedans. Donc il est meilleur qu'il l'est. Donc tu codes d'âme un animal, tu codes d'âme al-lazi lahu al-aliya, celui qui a la queue. Certains ont la main, voient que c'est pas permis. Sans queue. Ici, il y a des fukara qui voient que sans la queue, ce n'est pas permis. Car c'est une chose, c'est un membre qui est désiré chez les gens. Mais il n'y a pas de dalil par rapport à ça. Non. D'ailleurs, parmi les savants qui voient que ce n'est pas permis, attends, je regarde. Ils citent. Eux, voilà, ils voient que ce défaut est encore pire que s'il était borné. Et parmi eux, il y a Daoud al-Zahiri et Shawkani. Ils voient que ce défaut, le fait qu'il n'ait pas de queue, pour eux, c'est encore plus grave que s'il était borné. Ça, c'est un avis qui n'est basé sur aucun dalil. Donc, ils disent que l'avis le plus. Le plus correct, c'est qu'il n'y a pas de problème. Même si elle n'a pas de queue, elle m'affiche une charge. Moi, j'adore. D'ailleurs, il dit, il y a des animaux parmi les moutons, les chèvres, ils naissent sans queue. Voilà. Ou la queue est très courte. Voilà. Et il dit également, le taureau qui aurait la queue coupée, le meilleur est de le délaisser. Le mieux c'est de le délaisser. Mais si jamais c'est quelqu'un l'égorge ou quoi, il a dit ça, yujza. Mais le mieux, c'est de ne pas le prendre. Inch'Allah. ثم سئل الحصي هل يجزى الانيمال كاستري est-ce que l'animal castré son sacrifice est valable il dit نعم لان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى بكبشين موجوعين وقالوا ذلك اطيب للحمه يجزى عنك طيب يجزى عن اهل العلم donc il fut rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم avait dit j'ai égorgé deux moutons castrés. Il a déjà fait, et même certains savants disent que la viande elle est meilleure. Sa viande elle est meilleure. Ils disent qu'elle est meilleure. Après, je ne peux pas te dire moi le. Il dit que certains ulama disent que la viande elle est meilleure. Non. Elle a un meilleur goût. Ce n'est pas non plus vous dire qu'avant que je l'égorge, je le castre. Ben, c'est pas sunna, il n'y a pas de dalil là-dessus. Nous on dit par exemple, tu as un troupeau de moutons. Avec tes moutons, tu en as qui est castré par exemple. Là, ben, est-ce que tu le prends ? Ou quelqu'un te vend des moutons. Et parmi eux, certains sont castrés. Le problème, c'est que des gens, ils entendent ça, ils vont dire « Ah, c'est un meilleur goût !» Ils vont les castrer pour les vendre. À la base, castrer l'animal, c'est permis. C'est permis. Le hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a égorgé deux moutons, castré. C'est permis. « Fuma su'ila maksuratu sin »« Inkasarat ba'd sinniha » C'est elle qui aurait des dents cassées. Ou certaines dents cassées. Il dit « Kazali, yujda » C'est valide. Mayadou. Elle n'est pas dedans. Donc il dit, pour conclure, donc nous avons quatre défauts sur lesquels il y a unanimité. Celle qui est borgne de façon flagrante. Celle qui boite et que c'est vraiment flagrant également. Celle qui est malade, sa maladie est apparente. Et celle qui est très maigre, dont la maigreur est apparente. Ces quatre défauts-là, l'animal, si tu l'égorges, n'est pas valide. Nani, tu peux en manger, c'est pas que c'est haram, mais pour une adhiya, il n'est pas valable. C'est un peu comme celui qui aurait gorgé avant la salate, par exemple. C'est de la viande, il peut la manger, étant donné, mais il n'aura pas la récompense du sacrifice. Donc normalement, il doit rester deux séries de questions. Je ne les ai pas encore reçues. Inch'Allah, on finira ça pour, par la suite, faire ce qu'on avait prévu. Naam. Fa ila huna wa alhamdulillah rabbil alamin.